Micro ouvert. Mais oui, l'école est finie. Bonjour. En 2000, à Dakar, lors du Forum mondial sur l'éducation, 164 pays adoptent le programme Éducation pour tous, une liste ambitieuse de 6 objectifs visant à améliorer l'accès à l'éducation d'ici à 2015. La même année, à New York, 193 États membres de l'ONU signent la Déclaration du millénaire. 8 objectifs affichés également pour 2015 afin de préserver le développement mondial. L'accès à l'éducation apparaît en seconde position. L'intention est vertueuse, mais aujourd'hui, 15 ans plus tard, les résultats ne sont pas au rendez-vous. En 2012, il restait 121 millions d'enfants non scolarisés et surtout, les inégalités se creusent. Les enfants les plus pauvres ont désormais 4 fois moins de chances d'aller à l'école que les plus riches. Alors, certains économistes préconisent une solution plus radicale. Privatiser le système éducatif. Car plus de concurrence, c'est plus de motivation pour mieux enseigner, c'est bien connu. Selon la Société financière internationale, le marché de l'éducation privée représenterait 380 milliards d'euros, de quoi susciter des vocations. L'entreprise anglaise Pearson, leader mondial du secteur, affichait 6,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2014, dont 61% en Amérique du Nord. Manuel scolaire, formation des professeurs, évaluation des élèves, pas d'inquiétude, Pearson s'occupe de tout. Pour les pays en développement, le groupe britannique a même lancé des écoles low cost grâce à sa filiale Bridge International Academies. Présente en Inde, au Ghana ou au Kenya, ces écoles sont livrées en kit, des plans du bâtiment aux manuels scolaires et les cours sont dispensés par des professeurs formés en 5 semaines. Au Ghana par exemple, l'enseignement est facturé à la journée et les paiements sont contrôlés par un bracelet électronique porté par chaque élève. Si la facture n'est pas réglée le 5 du mois, c'est l'exclusion, un apprentissage radical de la compta. Au lendemain de l'ouragan Katrina, la Nouvelle-Orléans est devenue un laboratoire de l'enseignement privé. En moins de 10 ans, 84 des 89 écoles sinistrées ont été réhabilitées sous forme d'écoles privées, les charter schools. Alors qu'avant la catastrophe, 65% des écoles de la ville étaient sous les standards d'éducation nationaux, aujourd'hui, elles ne sont plus que 6%. Mais l'excellence a un coût. Certains établissements excluent plus de 50% de leurs élèves. Quant à l'égalité de l'accès à l'enseignement, elle n'est plus au programme. Les écoliers noirs ont 69% de chances en plus de se retrouver dans les établissements les plus pauvres. Mais allons voir du côté des bons élèves. En Suède, au milieu des années 1990, sont nés les Friskols. Payées par les impôts mais gérées par des entreprises privées, ces écoles gratuites ont vite attiré des entreprises et des fonds de pension. Et ça se comprend. En 2013, elles auraient dégagé 2,5 milliards d'euros de bénéfices en encaissant les chèques éducatifs distribués par l'État. Une belle réussite. Sauf quand les cancres font plonger toute la classe. En 2013, la société danoise John Bauer fait faillite. Propriétaire de 31 écoles, elle laisse sur le carreau 11 000 élèves et 1 000 professeurs. Autre inconvénient de ce système, lorsque les élèves sont moins nombreux, la rentabilité vacille. Comme en 2008, où ces écoles privées suédoises ont équilibré leur budget en tranchant dans les moyens pédagogiques. Du coup, en 2013, dans le classement des pays de l'OCDE sur la qualité de l'enseignement, la Suède a chuté de la 5e à la 30e place. Faire de l'école un bien privé, c'est la rendre vulnérable aux mêmes crises économiques que n'importe quelle entreprise. À ce détail près que les produits vendus par cette école font partie des socles de nos démocraties, comme l'accès au savoir ou l'apprentissage de la vie en société. Des biens communs, en somme. C'est pour ça que je m'implique dans le comité de mobilisation. Étant sur les prêts et bourses, je vis vraiment pas dans le gros luxe, puis je suis déjà endetté jusqu'au cou. Ma famille est pauvre, peut donc pas m'aider financièrement. J'ai eu un choix à faire. M'endetter lourdement ou ne pas étudier du tout. D'une façon ou d'une autre, je pars désavantagé. En plus, on me reproche de pas travailler assez, d'avoir changé de programme en cours de route. Je trouve ça franchement dégueulasse. Je l'affirme haut et fort, les services essentiels au développement d'une société, tels que la santé, l'éducation, le transport, devraient être desservis gratuitement. Comme ça, tout le monde commencerait sur un même pied d'égalité. Quand j'entends les experts comptables me dire qu'il faut absolument hausser les frais de scolarité pour avoir une éducation de qualité, que chacun et chacune doit faire leur part, ça me fait capoter. À ma connaissance, les banques font des profits records, les grandes entreprises reportent sans cesse leurs impôts en plus d'accumuler les subventions, et l'évasion fiscale va bon train. Au final, j'aurais payé l'équivalent de mes frais de scolarité simplement en intérêt sur mon prêt étudiant. À qui profite le plus une hausse des frais de scolarité? Aux universités ou bien aux banques? Oui, la droite est partout dans les médias, martèle sans cesse. On peut plus vivre ainsi, qu'il faut réduire les dépenses, qu'on s'endette, qu'il faut sabrer dans les services. C'en est assez, cette vision élitiste de la société, qui réduit l'éducation à une marchandise et la société à un vulgaire calcul. Il y a des gens qui changent le monde, qui luttent, contestent, s'organisent, se solidarisent. Je fais partie du nombre. On ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui écouteraient l'émission radio là, et j'ai juste envie de dire un ou deux mots, dans le sens que bah voilà, se balader avec un micro, bon c'est déjà pas, il y a déjà pas de caméra, ouf, hein, il y a déjà pas cette image à devoir gérer, c'est juste le son, eh bien ça ne se voit pas là, ni ça ne s'entend là. Je me suis fait attaquer, j'ai pas gardé le son parce que ça, c'était pas intéressant, mais je me suis fait attaquer parce que la première personne sur le campus de l'ULB, ben voilà, il y avait un petit groupe, je vais avec mon micro et il y a une fille qui vraiment était fâchée parce que je mettais le micro sous son nez. Et vous savez, quand on se balade dans la rue, ben des fois les gens ils disent non, j'ai pas envie de discuter, puis vous laissez comme un peu le micro, puis elle avait des copines, je me suis dit peut-être que les copines allaient parler, et ça s'est passé pas très chouettement, quoi, voilà, ça j'avais envie de dire, donc c'est, voilà, il faut oser y aller, quoi, comme ça, un peu à la brute, prendre du son. J'avais envie de dire ça. La deuxième, c'est qu'en réécoutant, évidemment, cette improvisation totale de gens dans la rue, ben... vous auriez aimé dire certaines choses, voilà, et ça n'est pas dit, donc c'est fait à la va-vite. Donc ce micro ouvert part à l'aventure sur le site de l'Université libre de Bruxelles, part un peu rencontrer comme ça les gens pour savoir s'ils ont entendu parler du rectorat, puisque c'est là que se passe le micro ouvert, puisque eh bien, le rectorat a été pris d'assaut, une bande de jeunes s'y trouve, et donc on part à la recherche de ces jeunes, quoi. Voilà. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, je suis pas la télévision. Le rectorat, il se trouve où, vous savez? Vous parlez français, arrêtez. Comme vous vous débinez. Oh là là, ok. Comme ils se débinent, les gens, ils ont peur. Bonjour, je cherche le rectorat. Aucune idée. Où c'est? Vous êtes de l'INIF? Oui. Vous savez pas où c'est? Non. Le rectorat. Un monsieur qui me fait signe que non, il sait pas parler. Le rectorat, vous savez? Il est là-bas. Sérieusement, c'est une vraie question. Oui, c'est une vraie réponse. Donc en bas? Oui. Avenue Roosevelt, il y a des étudiants qui squattent dedans. Ok. Vous êtes au courant, vous, alors? C'est très bien. Ah oui, vous n'êtes pas allé voir? Si, je suis passé devant. On dirait que c'est fermé. Je vais aller voir, moi, en tout cas. Bonjour. Le rectorat, alors, c'est bien, comme dit monsieur? Vous savez pas? Aucune idée, désolé. Vous dites? Avant, il était là-bas. Et puis je crois que l'ancien recteur en a fait autre chose, enfin j'ai pas bien compris, et ils l'ont mis là-bas. Maintenant, comme le prix de l'inscription est trop élevé, d'après certains étudiants engagés, eh bien ils occupent le rectorat pour lui faire changer d'avis. Vous êtes au courant alors, et vous êtes qui ici à l'UNIF, étudiant ou prof ou... Je suis chercheur. Ah voilà, c'est vrai que ça... Non, c'est par hasard que je suis au courant. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites par hasard, comme quand vous voyez les petits flyers? J'ai pas reçu de courrier. Donc vous êtes un curieux, un chercheur, quoi. Ben non, mais j'ai appris à lire, donc je peux lire les affiches. Oui, mais vous êtes quand même, je veux dire, sur cette affiche, on peut pas tout comprendre. Vous êtes quand même allé voir là-bas, qu'est-ce qui se passe, etc. Non, ou bien je me trompe? C'est pas grand-chose, je sais qu'ils ont mis 4000. 4000, ça doit être le prix du Minerval pour des étudiants, je suppose, non-européens, ou étrangers en tout cas, mais je suppose non-européens. Je vois mal des Français payer 4000 euros. Et donc, ils trouvent que c'est injuste de demander autant d'argent à des... simplement parce que des gens sont d'ailleurs. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ok, mais vous n'êtes pas allé les rencontrer pour discuter de tout ça? Mais je ne les ai pas vus, puisque d'accord, la porte était fermée. D'accord. J'ai compris. Merci. Mais sachez que c'est rare, hein, que la majorité des gens ici... sur le site, savent même pas où ça se trouve le rectorat. Hein. Il a déménagé. Oui, mais les gens pourraient me dire, tiens, mais il est là-bas, ou... Enfin, les gens sont... On est rarement conviés. Vous êtes rarement conviés au rectorat? Si vous êtes conviés au rectorat, c'est soit pour une très bonne raison, soit pour une... pour être, je suppose, grondé. Donc on ne sait pas exactement où est le rectorat. C'est pas un lieu où on passe souvent. Mais on sait qu'au rectorat, en tout cas, on voit des petites affichettes. Ça intrigue quand même, si celui qui est pas mal à l'UNIF... Mais moi, c'est parce que je passe devant que j'ai vu. Oui, mais il y a d'autres étudiants qui sont là, regardez, il n'y a pas que vous. Devant le rectorat. J'aurais pas fait le détour pour aller voir le rectorat. D'accord, voilà. Bon, je vais continuer ma petite enquête. Hein. En tout cas, le rectorat se trouve ici en bas. Ah oui, avenue Roosevelt. Merci. Excusez-moi, le rectorat, vous savez où il se trouve? Vous avez entendu ma conversation avec moi? Non, je sais. Vous savez qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais. Vous avez été jeter un œil? Je suis passé en voiture devant et j'ai vu. Vous n'avez pas été discuté avec les gens? Non, non. Ça vous intéresse pas? Si. Peut-être parce que ça vous concerne pas? Pas spécialement non plus. Enfin, ça concerne des gens que je connais, mais voilà. Des gens que connais, ça veut dire? Des gens qui sont avec moi dans l'auditoire. Qui ont ce problème? Enfin, qui n'ont pas encore ce problème, mais qui vont l'avoir. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'être à plusieurs, évidemment. Non, mais bah, après, moi, je suis pas spécialement contre l'idée, donc... Contre l'idée, c'est-à-dire, on peut la définir un peu, cette idée? D'augmenter le Minerval. D'augmenter le Minerval pour... Les étudiants qui sont en dehors de l'Europe. Oui. Vous êtes... Européen. Vous êtes... Belge. Ok. Et vous êtes d'accord avec cette idée, vous venez de le dire. Je suis pas d'accord dans le fond, mais dans l'état actuel des choses, c'est vrai que les étudiants étrangers dans les autres pays d'Europe, ils payent beaucoup plus cher pour pouvoir assister à des cours. Et c'est vrai qu'en Belgique, bah, on a beaucoup d'étudiants qui viennent dehors de l'Europe, par exemple, et ils payent pas grand-chose, en fait. Ils payent 900, 1200, 2000, quelque chose comme ça. Bah, et alors, quoi? C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'argent. Si on regarde les infrastructures, elles sont pas bonnes. On n'a pas vraiment d'argent. Est-ce que tu peux essayer d'être clair quand tu parles? Mais c'est qui le on? Parce que c'est qui? On n'a pas beaucoup d'argent. Toi? L'ULB n'a spécialement pas. Attends, j'ai pas. L'ULB n'a pas d'argent du tout, même. Si on regarde l'état des locaux, si on regarde l'état des salles informatiques, en général, c'est sûr qu'il faut trouver de l'argent d'une manière ou d'une autre. Et c'est une des manières dont ils ont trouvé pour pouvoir augmenter leur revenu. Non, mais c'est pas ça le problème, hein. C'est pas ça le problème. Alors? Viens au rectorat en discuter, c'est pas du tout comme tu vois les choses. Hein. Expliquez-moi alors le problème. Mais viens avec moi en bas, il y a des spécialistes de la question, sois curieux, mais vraiment c'est pas ce que tu dis, je t'assure que c'est pas une question... Augmenter le revenu. C'est pas du tout pour augmenter le revenu de l'ULB. Non, c'est pas ça les idées, c'est pas cette idée-là. Si de base on augmente le Minerval, c'est quand même pour au fond augmenter le revenu, enfin, pour augmenter l'argent dont ils disposeront. Non, mais pourquoi alors on ne fait pas payer plutôt les gens pas de l'Union, enfin, pourquoi alors, si c'était cette logique de rentabilité, pourquoi on viserait simplement une marge de la population non européenne? Pourquoi on ne ferait pas payer les gens Je ne suis pas sûr de ça, mais je pense que c'est la seule qu'on peut viser. Je pense qu'on ne peut pas faire de distinction entre personnes qui sont en Belgique et qui sont hors de la Belgique et qui viennent d'un pays membre de l'Union européenne, dans la législation. Dans la législation. La législation européenne, je pense qu'on ne peut pas faire de distinction entre étudiants hors Europe. C'est ce qui se passe là, tu es quand même au courant ici. Ils sont hors Europe, mais ils ne sont pas dans l'Europe. Ils sont hors Europe. C'est pour ça qu'on peut faire des distinctions entre eux et les étudiants européens. Mais on ne peut pas distinguer entre les étudiants européens et les étudiants belges. Mais on ne peut pas distinguer quoi exactement? Dans les Minerval, quoi. On ne peut pas distinguer dans les Minerval. Qui décide ça? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais en tout cas, voilà. En tout cas, viens en bas, il y a vraiment des gens qui vont un peu éclairer ta lanterne, quoi. Je t'assure que ce n'est pas une question... Oui, c'est une question de business, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que l'ULB est pauvre, enfin, ce n'est pas ça la logique, quoi. Je n'ai pas dit que l'ULB est pauvre, mais on a besoin de plus de moyens. Oui, mais c'est ce que tu disais au début, on a besoin de plus de moyens. Donc toi, tu t'identifies à l'ULB, quoi. Toi, c'est ouais, le on, c'est ULB. Ouais, je suis au LULB. Exactement. Bon, merci. Hein. Quelque chose à rajouter? Moi, je ne suis pas de l'ULB, donc je ne suis pas tout à fait au courant de tout ça. Mais ça ne vous intrigue pas? Vous n'avez pas envie d'aller vous intéresser à tout ça? Bah, là, vu la masse de travail que j'ai pour le moment, je ne me suis pas encore vraiment... Pour le moment, pourquoi? Parce que c'est la fin de l'année? Beaucoup de travaux à remettre et des examens, donc c'est plus compliqué de s'y intéresser. Mais après, c'est vrai que ça mériterait de jeter un coup d'œil. Vous dites ça parce que je vous le dis, sinon... Bah, non. Dès que je tourne le dos, ouvert, vous n'y pensez plus. Non, je suis ouvert. Soyez curieux, vous, non? Et toi, alors? Ah, lui, il est du bien. Non, rien à rajouter. Bon, allez, merci en tout cas. Hein. Et je te dis vraiment, si tu veux, si ça t'intéresse, le contenu du pourquoi, du comment, va voir en bas. Eux pourront vraiment te... Mais tu te trompes, quoi, et c'est vraiment scandaleux, en fait, ce qui se passe. Dans les grandes lignes que vous m'expliquez, dans quoi je me trompe. Mais viens en bas, eux, ils s'y connaissent. Moi, je vais pas développer avec toi. En une ligne. C'est en une ligne. Mais c'est le business. C'est le business. C'est le business, le marché du business. Et on en fait. L'ULB, l'université, est occupée à faire du business avec les gens pour l'étude et compagnie. Quoi. Tu vois, ça devient. C'est plus un droit de venir étudier en faisant en sorte que tout le monde ait accès à cette étude, mais on en fait une politique à deux vitesses, quoi. Tu vois, les gens qui sont hors union, ils peuvent dégager. Ce que j'ai dit est complètement vrai. C'est juste qu'ils ne peuvent pas discriminer à l'intérieur de l'Europe, donc ils le font à l'extérieur de l'Europe. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Enfin, C'est clairement ça. Ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit de discriminer à l'intérieur de l'Europe. Ils vont discriminer en dehors de l'Europe parce qu'ils veulent augmenter leurs revenus, ils veulent augmenter l'argent que l'ULB a. On va dire ça comme ça. Et c'est une manière qu'ils ont trouvée. On se revoit. Moi, je vais voir la bande là-bas. Mais en tout cas, c'est profondément injuste et pas simple. Je parle pas des valeurs, je parle du principe. Ah ben non, attends, les principes, c'est aussi des valeurs. C'est pas. Enfin, si, ou sinon, on n'a qu'un billet dans les yeux, un gros dollar dans les yeux et on pense plus qu'à ça. Enfin, tu vois, c'est pas uniquement. Il faut se positionner intelligemment en face de ce qui se passe là maintenant, quoi. Est-ce qu'on a des statistiques, en fait, sur les étudiants qui viennent de l'étranger ? Mais viens avec moi en bas. Viens, tu pourras vraiment. Oh là là. C'est dommage parce que t'as l'air intéressé et moi j'ai pas toutes les réponses. Tu dis ? Les étudiants que j'ai en tête, enfin qui sont dans mon étoile et qui viennent de l'étranger, ils sont quand même assez riches. Donc je pense pas que ce sera vraiment un gros problème pour eux de payer le surplus. Parce qu'un Vietnamien qui vient en Belgique pour faire ses études, il est quand même d'une famille assez fortunée. Oui, mais pas dans pas mal de cas en tout cas. Tu sais bien que l'argent ici n'a pas la même valeur là-bas au Vietnam. Enfin, tu vois, c'est démesuré, il n'y a même pas besoin de comparer. Certes, mais même malgré ça, je pense que même sans la comparaison, la personne, de qui je parle, a un appart bien meilleur que le mien, a une très belle voiture et il peut se le permettre sans problème. Et il vient faire ses études parce que c'est mieux de faire des études à l'étranger que de le faire dans son pays. Et après ça, il va repartir dans son pays. Donc, logique. Parce que moi, après, je reste en Belgique et je vais payer des impôts pour ça. Alors que lui, il est reparti. Tu vas payer des impôts pour quoi exactement ? Je vais payer des impôts pour tout ce dont je bénéficie dans cette société. Attends, là, je ne te suis pas, là. On parle de... Plus tard, je vais payer des impôts dans mes impôts, une partie iront pour financer les études des futurs étudiants. Et t'es pas d'accord avec ça, évidemment, parce que... Ça, je suis complètement d'accord. Mais l'étudiant vietnamien, il contribue pas à notre société, vu qu'il part de toute façon. Au vietnamien, au chinois, ou peu importe ce qu'il est, pour pas le viser en particulier. C'est intéressant d'entendre ta pensée, parce que c'est pas courant. Enfin, en tout cas, on n'ose pas trop le dire tout haut, tout ça. Et toi, tu oses. Je vous le dis clairement, c'est ce que je pense, quoi. Parce que la vision que j'ai, mais peut-être que si j'avais plus de stats dans l'ensemble des étudiants, je pourrais mieux voir, mais en tout cas, ceux que je connais, ils sont déjà très fortunés. Et ça ne fera pas payer 4000 euros ou à la place de 2000 euros qui va changer quelque chose. Alors que peut-être que pour l'ULB... Ce sera pas mal d'avoir ce surplus. Ok, mais t'es d'accord quand même que là-bas au Vietnam, la monnaie n'est pas du tout la même qu'ici. Donc ils doivent récolter quand même un paquet énormément d'argent. Enfin, tu vois, ils misent. Peut-être c'est pas les mêmes concepts. En Vietnam, c'est pas les mêmes concepts que toi là-bas. Toute chose étant égale par ailleurs, il est quand même. T'as dit toute chose et quoi ? Égale par ailleurs, il est quand même très riche de base. Et même si on. Comment tu vois ça qu'il est très riche ? Parce qu'il a un grand appart ? On le sait clairement. Déjà pour pouvoir se payer des études en Belgique, pour payer, parce qu'il n'y a pas que les études. À côté du Minerval, il y a les frais qui sont les plus gros frais, c'est quand même le logement, la voiture, tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est quand même beaucoup plus gros, quoi. Et les 2000 euros en plus, comparé à un loyer par mois pendant 5 ans. Donc toi, ta logique, c'est si tu as la thune, tu payes, tais-toi et voilà, quoi. Non, en Belgique, c'est pas ça. En Belgique, c'est que pour améliorer la qualité de l'éducation, on a besoin de plus d'argent. Le problème, c'est que cet argent, on n'arrive pas à l'obtenir du gouvernement. Et donc, on a trouvé d'autres moyens. Et le recteur, ou peu importe qui soit, il a trouvé que c'était un moyen logique d'augmenter les revenus. Et je trouve que c'est pas si mal que ça. C'est sûr qu'il y a des côtés négatifs, mais comme pour toute décision, il y a toujours des côtés négatifs. Et ça, c'est un des côtés négatifs. Mais il y a quand même des côtés qui sont très, très positifs, ce qui est que l'ULB aura plus d'argent. Et ça, c'est pas mal si on regarde l'état de nos locaux. Si on regarde l'état en général de l'université, c'est pas mal. Bah, t'es aussi au courant quand même que dans toute cette politique ici, on est en Belgique, il y a quand même pas mal de thunes qui partent qui est mis par exemple dans les guerres, qui est mis dans enfin tu vois, rien à voir avec tu comprends, il est mal distribué l'argent, je veux dire, t'es un peu au courant de cette société. Attends, parce qu'on t'entend pas. T'es quand même au courant de cette société néolibérale dans laquelle on est, c'est-à-dire que... Je suis complètement au courant, mais... Mais donc l'argent, il est mal distribué. Le problème, c'est que moi, je parle de cas très précis qui est celui de l'ULB, des décisions très précises, et vous me parlez de concepts plus grands. Mais c'est pas l'ULB qui va, lui tout seul, en prenant cette décision, va changer le cours des choses. Non, mais l'ULB, je ne sais pas exactement pourquoi elle prend cette décision. Parce qu'elle n'a pas d'argent, clairement, parce qu'elle n'a pas d'argent. Mais non, mais ça, je ne le crois pas, enfin, tu vois. Vérifier, elles n'ont pas d'argent. Oui, oui, mais, enfin, ils pourraient se battre ailleurs que... Et où ça? Mais ils ne sont pas obligés d'attaquer les étudiants hors Union Européenne pour avoir de l'argent, c'est débile. Il y a pas mal de décisions qui ont été prises, avant celle-ci, mais sauf que les gens ne l'ont pas accepté. Il y a une très grosse entreprise de conseil qui a demandé pour pouvoir placer ses locaux à l'intérieur de l'ULB. C'était aussi une source de revenus, on n'a pas accepté. Comment, j'ai entendu, comment elle s'appelait cette entreprise? McKinsey. Voilà. Peu importe, elle voulait juste louer des locaux. Non, pas peu importe. Non, mais elle voulait juste louer des locaux. On va dire CAF, la même, Sodexo, c'est aussi une grosse entreprise. C'est pas simplement louer des locaux, c'était aussi autre chose. C'est pas simplement louer des locaux, t'es naïf un peu, non? Non, c'est simplement louer des locaux. Vous voulez faire que l'étude soit du business, ça devienne du business. Ça veut dire que si t'as de la thune, tu peux étudier, si t'as pas de la thune, dégage. C'est ça aussi l'idée, hein? Non, du tout. Bon. C'était un contrat pour louer un bâtiment, ce qui se fait dans plein d'universités à l'étranger. Mais non, arrête, McKinsey, c'est connu, en plus, il vient des Amériques, il fait aussi son business là-bas, allez, réveille-toi. Ça, c'est encore dans les grandes lignes, mais ce qui allait se passer en vrai, et ce qui aurait été plus intelligent de se battre pour, c'est avoir un contrat qui est très clair, qui distingue la chose, et l'ULB deviendrait juste rentier. C'est-à-dire qu'il amasserait de l'argent chaque année. Mais arrête, une UNIF ne doit pas faire d'argent, normalement. Réfléchis à ça. Une UNIF a besoin d'argent. Une UNIF a besoin d'argent et pour ça, évidemment... Le problème, c'est qu'on a du mal à payer avec les bonnes idées. Mais ce n'est pas les gens, c'est une UNIF... Alors comment on fait? Bah attends... Si toutes les solutions sont mauvaises, mais qu'on a des très bons principes et qu'on ne peut pas les appliquer, comment on fait? Mais quand tu dis que tu parles, quand tu dis que t'as pas envie de payer pour le petit Vietnamien qui vient ici... J'ai jamais dit ça. T'as dit plus tard, quand je travaillerai, que je paierai mes impôts, j'ai pas envie de payer pour le Vietnamien. Bah attends, j'ai dit qu'on a besoin d'argent et qu'il faut trouver des manières pour trouver de l'argent. Tu vas réécouter. Et que vous... Ouais, bon, l'idée de base... Sinon, tu as passé pour un idiot. T'as dit quand même, moi, j'ai pas envie de payer pour le Vietnamien quand je vais travailler. L'idée que j'ai. Enfin, arrête. On a besoin d'argent et à notre échelle, il n'y a pas tellement de solutions. Et c'était une des solutions. Et elle est, pour moi, assez correcte. L'université n'a pas à faire du business. L'université a à offrir un savoir, des connaissances, de la recherche. Il y a de l'argent. Attends, écoute. Il y a de l'argent peut-être sûrement à mettre en place, évidemment, sur la table. Mais ça, c'est pas. C'est quand tu dis que tu payes des impôts plus tard quand tu vas travailler pour le type vietnamien, tu payeras aussi tes impôts pour faire en sorte que les gens puissent étudier librement, quoi. D'accord, je suis complètement d'accord, mais je peux pas financer tout le... Mes moyens sont assez limités. Et j'aimerais bien financer toutes les études de tous les étudiants du monde, mais c'est pas possible. Il y a des restrictions qui sont faites. Et vous avez des très très très bonnes idées, mais malheureusement, il faut pouvoir les appliquer. Et c'est ça qui fait la distinction des choses, c'est que là, le recteur fait quelque chose qui permet... Le recteur devient un homme d'affaires. Le recteur devient un bon gestionnaire. L'université devient un monde des affaires, ça ne doit pas. Non, l'université, comme toute institution, a besoin d'un bon gestionnaire. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ça t'intéresse d'entendre? Parce que je vais donner les références, comme ça, moi, je vais interviewer quelqu'un qui va réagir sur ce que tu dis. Comme ça, tu comprendras peut-être mieux aussi les enjeux. Ou ça t'intéresse même pas? Pas vraiment, je vous avoue. Ça t'intéresse pas? Si, ça m'intéresse, mais... Je te donne les références, comme ça tu peux aller réécouter ou tu me donnes un mail. Je vais réécouter, je veux bien les références. Bah, donne-moi un mail, écris-moi ton mail, comme ça je t'enverrai le fichier, comme ça tu pourras entendre un petit peu qu'est-ce qui se joue. Mais ce qui est dingue, c'est que tu aurais tout de suite la réponse là en bas. Hein. J'ai mes idées, je reçois les mails de l'ULB, qui est... dans lequel on peut trouver plein d'informations. Et je me suis fait mon idée sur base de ça. Je trouve que... Tu me donnes ton mail ? Donc voilà, j'ai enfin trouvé le rectorat, et c'est vrai qu'il y avait plein de gens à l'UNIF qui ne savaient pas où ça se trouve, ils ne savaient même pas ce que ça veut dire, limite. Donc il y a ça que je voulais vous dire. Je suis arrivée au rectorat, on m'a accueillie, il y a plein de gens, quand même. Moi, je m'attendais à un petit groupe de rien du tout, mais non, il y a tous les étages. Il y a 3 personnes en face de moi, et vous ne le savez pas, les 3 personnes en face de moi, mais... sur le site de l'ILB, j'ai une discussion comme ça assez longue avec un jeune gars qui défendait vraiment l'idée, et il avait l'air, très sincère, hein, il défendait vraiment l'idée, il y a besoin d'argent, l'ILB a besoin d'argent, quoi, voilà. Donc on se trouve ici au rectorat, il a changé de place le rectorat, mais avant, peut-être une petite présentation de vous, ou pas obligé, je me trouve en face de qui là ? Moi je m'appelle Arville. Arville. Coralie. Et Mona. Bah, enchantés tous les trois. Donc le rectorat, il a changé de poste, non ? Le rectorat avant, il était, je me rappelle plus comment il s'appelle ce bâtiment, mais il était au coin de la vue Antoine Lepage, genre juste en face de l'ULB, du site même de l'ULB, le bâtiment A. Maintenant, je pense que c'est depuis l'année dernière qu'il a, pris place dans cette très belle petite villa sur l'avenue. Roosevelt, je pense que c'était un bâtiment qui appartenait déjà à l'ULB, donc ils n'ont pas dû faire une dépense importante pour l'acquérir. Je ne sais pas, ça, j'ai pas encore l'info. Mais oui, donc c'est des nouveaux locaux bien, bien propres comme il faut. Ah oui, bien classe, quoi, vraiment, avec des grandes fenêtres, une grande lumière. Et pourquoi il a changé d'endroit ? Ça, je ne sais vraiment pas du tout. Question fondamentale, quand même. Bah, je ne sais pas. L'ancien rectorat, pour avoir occupé aussi il y a longtemps, l'ancien rectorat, c'était très étroit, très petit. Et ça ne donnait peut-être pas cette ambivalence à démontrer, avoir une espèce de belle posture du bâtiment du rectorat. Se trouve de l'autre côté de l'université, comme si c'était la mairie, le château. Ouais, ici, ça domine un peu. Hein, c'est sur l'avenue Franklin Roosevelt, ouais, il est visible. Entre 2 ambassades ou quoi, donc ça surplombe, surplombe l'ULB, telle la maison du maître. Enfin, je sais pas. Mais il est où alors le recteur ? Parce que, moi, je n'ai pas compris. En fait, je pensais que cet endroit était un peu abandonné, que vous y avez installé votre campement, mais c'est pas ça qui se passe. Il est où ? Il est enfermé à la cave ? Alors non, on ne séquestre pas le recteur, même aucun employé d'ailleurs. Ils ont juste élu domicile dans d'autres bâtiments pour essayer de travailler du mieux qu'ils pouvaient, vu les conditions, puisqu'effectivement, le fait de bloquer un rectorat, ça impose certaines contraintes, puisqu'on a aussi des documents qui sont ici et auxquels ils n'ont pas accès. L'idée, c'est vraiment de marquer le coup, parce que ça fait longtemps qu'on dit qu'on est contre la hausse du Minerval pour les étudiants issus de pays hors Union européenne. Et en fait, on n'a pas été écoutés. Et donc, à un moment donné, il fallait passer à l'action, aller encore un peu plus loin et pouvoir impacter au quotidien le travail du recteur et des employés, malheureusement, pour se faire entendre. Mais comment ça s'est passé concrètement, en quelques mots ? Comment vous avez pris d'assaut ce bâtiment ? Comment ça s'est passé ? Du coup, on est arrivé tous ensemble, donc on était 100 quasiment, ouais, entre 50 et 100. Et du coup, on a ouvert la porte et on est passé. Forcer la porte. C'était un peu plus compliqué. On a fait un peu de forcing auprès des vigiles, mais sans bien sûr blesser qui que ce soit, en faisant attention pour pouvoir rentrer. Et une fois qu'on a été suffisamment à l'intérieur, c'était plus possible d'arrêter le flux d'étudiants qui rentraient. Et c'est ce qui nous a permis d'être suffisamment nombreux à l'intérieur. Et donc, la première journée, on n'a pas bloqué le rectorat, on l'a simplement assiégé. Et puis, on a passé la nuit ici. Et c'est durant cette nuit que nous avons pu mettre en place le blocage. Et que les gens sont partis alors, le rectorat et toute sa clique sont partis alors. Bah effectivement, comme le recteur et les employés ne dorment pas ici, c'était aussi une assurance de ne séquestrer personne et de n'avoir aucun problème par rapport à ça, puisque l'idée, c'est vraiment pas de mettre en danger des personnes ou des travailleurs, l'idée c'est d'impacter le fonctionnement pour faire entendre nos revendications. Et quelles sont alors vos revendications ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, on n'a pas donné ton... Aussi, si on t'a présenté. L'idée de ce jeune garçon que je viens de rencontrer, évidemment, vous ne l'avez pas entendu. Ce qui serait intéressant, c'est de l'écouter et de décortiquer ce qu'il dit. Mais en gros, il dit, il faut bien de l'argent. Où on va le prendre, cet argent, en fait, en gros, si on ne prend pas des étudiants et si on ne prend pas des étudiants hors Union européenne. Voilà, parce qu'il dit, moi j'ai un copain vietnamien, eh bien il est bourré de thunes, et donc c'est normal s'il est bourré de thunes. Déjà, nos revendications, c'est un même Minerval pour tous, donc un Minerval à 835 € pour tout le monde, pour tous les étudiants. Et puis, l'argent, ça dépend aussi de comment le recteur utilise son budget. Je crois que Coralie, elle peut présenter ça mieux que moi. On a des chiffres très précis qu'on va bientôt diffuser, donc Coralie, tu peux peut-être... Ouais. Mais peut-être rappelons dans quelques lignes, c'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème en quelques lignes? Le problème, c'est que l'ULB, déjà depuis plusieurs années, et notamment sous Didier Vivier, donc le recteur précédent Englert, qui a commencé cette politique de discrimination vis-à-vis des étudiants étrangers, dans l'idée, il faut faire payer plus les étudiants étrangers, leur Minerval. Donc, d'abord, c'était en cas de redoublement. On leur faisait payer 2 175 €. Après, ça a été 2 175 €. Je sais pas le montant exact, mais c'est plus ou moins ça, à chaque année. Et à partir depuis l'an dernier, il y a eu cette augmentation à 4 175. Et ça pourrait aller. Oui, il faut préciser, c'est quand même les étudiants hors Union européenne, quoi. C'est pas tous les étudiants, si j'ai compris. Oui, non, c'est pas tous les étudiants étrangers, c'est bien des étudiants issus de certains pays en voie de développement ou industrialisés, donc en dehors de l'Union européenne, donc le Cameroun, le Brésil, le Japon. Mais déjà ça, comment ça se fait? Enfin, c'est quoi la logique derrière ça? Parce que j'imagine vous étudiez la question. C'est pourquoi cette idée en fait? C'est complètement dingue. Pour répondre à ce jeune homme qui en fait rentre un peu dans le piège rhétorique du recteur. En effet, c'est pas forcément des étudiants qui sont financés par la communauté française. Disons que c'est des coûts supplémentaires pour l'ULB d'avoir autant d'étudiants étrangers. L'ULB est une des universités qui a le plus, mais ça, c'est pour nous, c'est une qualité d'avoir des étudiants qui viennent d'un peu partout. Et dans ce cas-là, le recteur, ça, c'est un peu le bras de fer argumentaire qu'on a vis-à-vis de lui, c'est qu'il n'arrête pas de dire que ce n'est pas sa faute à lui, c'est la faute au manque de financement de l'université, de l'enseignement supérieur en général. Alors, on dit que ce n'est pas vrai parce que là, Coralie va pouvoir présenter les chiffres. L'augmentation qu'il demande à ses étudiants, au final... Le rectorat, là, hein, ouais, le recteur. Le rectorat. Voilà, c'est une politique rectorale que décide le recteur de l'ULB de faire ça à l'ULB. Ça ne va pas d'autre part comme consigne et tout. Donc là, on va montrer que ça vaut rien du tout. S'il appliquait le même Minerval pour tout le monde, les pertes seraient vraiment totalement minimes. Du coup, on est dans un dialogue pas forcément constructif. Ça, c'est super important à préciser. Donc, si c'est pas simplement que c'est la dèche et la galère, c'est qu'il y a une volonté de faire vraiment du business sur le dos des étudiants. Alors, dites-moi bien. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que effectivement, le premier constat, c'est que les universités ne sont pas les plus financés, et en fait il y a un problème structurel qui est qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans l'enseignement supérieur en Fédération de Bruxelles que pour offrir un enseignement de qualité à tous les étudiants. Ça, c'est une première chose. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que, oui, quand on dit qu'il n'y a pas assez d'argent, ça veut dire qu'il y a de l'argent, mais il n'est pas mis au bon endroit, hein. On pourrait dire ça aussi comme ça. Voilà, donc ça, c'est le premier point. C'est un premier constat, c'est celui-là. Maintenant, dans la question qui nous touche aujourd'hui, quand on parle de refinancement et de problèmes de financement au sein de l'enseignement supérieur, ce n'est pas tellement lié avec la question des étudiants internationaux, puisqu'en fait, c'est un choix de la part du recteur, des autorités rectorales, des universités, des établissements d'enseignement supérieur, de financer plus quelque chose qu'autre chose et de dépenser l'argent pour une chose ou pour une autre. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on regarde les budgets des différents établissements, notamment l'ULB, et on se rend compte qu'il y a toute une série de dépenses qui sont faites et qui ne sont pas forcément prioritaires ou utiles. Et cet argent qu'on consacre à tout ça, on pourrait le consacrer à autre chose. Et un exemple concret pour qu'on comprenne. Un exemple concret. Doit-on rentrer dans ces exemples? C'est bien d'être dans le concret pour bien comprendre. J'ai plein d'exemples concrets. L'ULB, ils dépensent je ne sais pas combien d'argent pour toutes sortes de colloques ou de conférences où ils sont dans cette idée de l'excellence, d'essayer de se promouvoir à l'international. Donc, il faut payer des petits fours à chaque... Parfois, moi, j'ai eu accès à des budgets. C'est incroyable le nombre de milliers d'euros qu'ils mettent pour tel ou tel événement, alors qu'on pourrait très bien rester dans une certaine sobriété dépensière. Là, on peut dépenser autant d'argent qu'on veut pour des trucs événementiels surdimensionnés. Voilà. Après, on ne veut pas forcément vaguer là-dessus, mais ici, on est vraiment un peu dans le luxe au niveau du rectorat, en termes de services, d'accès. Genre, les lumières ici, elles restent allumées toute la nuit. Ah ouais? Ah ouais. Je ne sais pas combien ça pourrait... Quoi, c'est pas vrai. Il y a des lumières qu'on ne sait pas nous-mêmes éteindre, quoi. On aimerait les éteindre parce qu'on trouve que ça dépense pas mal d'énergie et tout ça. Et je pense qu'au niveau du budget... et penser... Bon, allez, on continue, pas, oui. Pas mal d'exemples. Oui, on peut aussi parler du fait qu'il y ait deux TV par salle de réunion. C'est un concept comme un autre et ça coûte aussi de l'argent. Mais de manière plus générale, et ce n'est pas simplement ici, il y a vraiment des gros budgets qui sont octroyés à des choses qui ne sont pas forcément nécessaires ou prioritaires pour les étudiants. Et donc, il faut à un moment donné faire des choix. Ces choix, ce sont les recteurs qui les font. C'est le recteur de l'ULB qui le fait pour l'ULB. Et donc, il pourrait décider de... baisser le Minerval des étudiants et en tout cas pousser de cette manière-là, notamment au niveau des autres recteurs, parce qu'il y a quand même une concertation avec tous les recteurs en Fédération Uni-Bruxelles pour décider d'une augmentation, de cette augmentation qu'il y a eu. Et donc, ce sont des choix et il ne faut pas toujours reporter la responsabilité sur d'autres personnes. Il faut assumer le fait qu'aujourd'hui, on préfère dépenser de l'argent à d'autres choses qu'à l'enseignement directement au sein des universités et que cet argent, comme il faut bien le trouver quelque part, le choix a été de le trouver chez les étudiants qui sont issus de pays hors Union européenne. Parce que pour réinsister là-dessus, c'est bien donc le CREF, le conseil des recteurs, qui décide des politiques, la plupart des politiques à mener dans l'enseignement supérieur. Donc parfois, ils donnent des consignes et des orientations au cabinet, au Parlement. Ce n'est pas comme si eux devaient subir toutes sortes de directives. Moi, je croyais que c'était ça. Je croyais que ça partait de là. Ça partait. C'est Didier Vivier, l'ancien recteur du ULB, qui a eu pour la première fois l'idée d'augmenter le Minerval des étudiants internationaux. Ce n'est pas Marcourt qui a pensé ça. Même si Marcourt, il est exécrable comme ministre de l'enseignement supérieur parce qu'il ne donne pas d'argent depuis deux décennies. J'en sais rien depuis quand il est là. Mais en tout cas, c'est les recteurs, des figures politiques dans l'enseignement supérieur, comme les recteurs, qui décident de certaines mesures d'enseignement. Et celle-là, par exemple, ça vient d'eux, c'est eux qui l'ont inventé, c'est eux qui ont fait le lobby auprès du cabinet pour que ça passe, pour que ce soit écrit dans des décrets. Vraiment? Bah oui. Didier Vivier, avant Yvan Englert. Donc Yvan Englert, il n'a pas décidé que c'était une mauvaise idée, qu'il fallait revenir là-dessus, non, il veut pousser à augmenter, à aller jusqu'à 2500. Si je comprends bien, en gros, avec mes mots à moi, et moi je ne suis pas dedans complètement, c'est en gros, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que tu n'as pas des personnes costaudes qui veulent défendre une éducation pour tous, un savoir, une connaissance pour tout le monde, mais qui préfèrent en fait faire du business un peu. Les recteurs, ils défendent l'excellence. C'est un dogme. C'est quoi là c'est une idéologie. C'est une idéologie de viser à rendre l'enseignement toujours plus élitiste. Oui, mais donc accessible à ceux qui ont l'argent. Accessible à ceux qui ont un certain... Pas à tout le monde. Pas forcément à tout le monde, même si Yvan Englert... Pas à tout le monde. À ceux qui n'ont pas les moyens tout simplement de se payer des minervals de plusieurs milliers d'euros. C'est aussi dans les logiques d'évaluation. C'est aussi un argument qui est utilisé, en fait, c'est que si on augmente le prix du Minerval, on va attirer plus d'étudiants internationaux. Donc c'est aussi leur idée aussi de... Enfin, on veut diversifier, mais qu'avec les plus riches, quoi. On veut pas diversifier. En fait, c'est comme si c'était l'argent, alors que quelque part dans l'éducation et dans tout ça, ça n'a rien à voir. Maintenant, on en fait du business. C'est comme un peu l'idée de McKinsey aussi qui a voulu débarquer ici, McKinsey. Oui, donc effectivement, McKinsey, c'est une agence. Et ils ont, grâce au combat qu'ont mené nos camarades et grâce... aux nombreux mouvements étudiants qui ont lieu à ce moment-là, ils ne sont pas venus, mais c'est vrai que ça reflète une volonté, la question aussi de la marchandisation de l'enseignement, le fait d'impliquer de plus en plus d'entreprises privées ou d'organismes privés au sein de l'enseignement supérieur. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, je pense que c'est aussi à plus long terme, quel est l'enseignement supérieur qu'on veut demain pour nos amis, pour nos frères, pour nos sœurs, pour ceux qui arriveront après nous. Et donc il est vraiment important de poser cette question et de se la poser plus largement parce que ça va définir quelle société on va avoir. L'enseignement a le poids d'influencer la société de demain et il faut pouvoir... en tenir compte. C'est super important, mais c'est génial que vous preniez le flambeau, les amis, parce que vous êtes tous une bande de jeunes, quoi. Et quoi ? C'est un peu ça l'idée, on fait pas juste ces mouvements de contestation pour se divertir ou s'occuper, on aurait honnêtement autre chose à foutre. Si on pouvait faire confiance à nos étudiants universitaires de garantir un enseignement public, gratuit, accessible à tous. Malheureusement, les recteurs, on est tous d'accord là-dessus, qu'ils se maintiennent toujours plus dans un certain rôle managérial qui se donne, eux, l'envie de jouer. Donc, ils assument complètement ses orientations. Ils sont là pour trouver, gérer l'université comme si c'était des... En soi, l'ULB est une entreprise, c'est un des premiers employeurs de Bruxelles, mais ça reste une université. Les missions d'université, c'est l'enseignement, la recherche et le service à la collectivité. En fait, eux, ils veulent toujours plus la réduire, la rendre plus excellente, comme le disait Mona, accessible aux étudiants internationaux, le rayonnement, les rankings, toutes ces idées, c'est tout un fourre-tout qui... Le rankings ? Les rankings, c'est en fait les classements, c'est quelque chose de totalement contestable sur base d'analyse internationale, de trucs Hong Kong et tout, mais en fait, aussi, ça... Schengen. Quoi ? Mais non. Bref, c'est des trucs totalement contestables qui valent pas grand chose. Genre, c'est basé sur les publications en fait dans la recherche principalement. Et alors vous avez toujours plus d'universités qui publient des trucs qui valent rien du tout en fait, juste pour avoir plus de publications. Et donc ce serait comme ça qu'on pourrait classer davantage une université. Alors, moi je suis pas le spécialiste des rankings, mais bon, disons que c'est la grande priorité de l'ULB de nos jours, alors que c'est complètement incroyable. Quand il y a franchement d'autres problèmes, on s'en fout complètement de combien l'ULB est classée au niveau international. Tout ce qui s'intéresse, c'est avoir un enseignement de qualité dans nos auditoires, au niveau des places de cours, du matériel, d'accès à tous. Enfin, c'est ça qui nous importe, nous on s'en fout de savoir l'ULB où elle est au niveau international. Oui, voilà, peut-être pour clarifier ce que sont les rankings, ce sont des classements internationaux qui classent les universités en fonction de leur qualité. Et donc les critères pour définir ce qu'est une université de qualité, c'est effectivement la question du nombre de publications qu'on a pu avoir, le montant qu'il faut payer pour pouvoir intégrer ces universités, le nombre d'étudiants, le nombre de professeurs, etc. Et donc en fait, ce sont des classements qui sont... qui ne se base sur quasiment rien, enfin, sur des chiffres objectifs, mais est-ce que ça représente réellement la qualité de l'enseignement supérieur ? Non, et donc il y a un concours et une concurrence entre les différents établissements d'enseignement supérieur partout dans le monde, et c'est une logique qui est mondiale, de dire, ok, mais en fait, on veut être les premiers, on veut être dans les meilleurs, et pour ça, on va respecter les critères de ranking qui sont en inadéquation avec la politique d'enseignement supérieur que nous, on défend. Mais c'est joli ça, parce que vous défendez quoi exactement? Et comment ça se fait que vous avez cette pensée-là? Non, mais c'est vrai, je veux dire, moi j'ai rencontré des gens là maintenant, c'est clair, ils ne pensent pas du tout comme vous. Comment ça se fait vous tirez cette envie d'une éducation autrement, vous la tirez d'où? Tous les trois, on est engagés dans des syndicats étudiants. Moi et Mona à l'USE et Coralie à la FEF. Du coup, en fait, on est baigné là-dessus. Et avant ça ? Mais je pense qu'en fait, c'est une question de vision de la société. Et donc, on se crée en grandissant par l'enseignement, par les rencontres qu'on peut faire, par les lectures qu'on peut avoir, ce genre de choses. Et encore, c'est un privilège de pouvoir lire parce que certains n'ont pas les moyens de s'offrir des bouquins quand ils veulent. Et donc, c'est aussi ça. Quand on parle d'accessibilité à l'enseignement supérieur, c'est aussi ça qu'il faut dire. Mais je pense que c'est grâce à notre entourage, grâce aux rencontres qu'on a pu faire, aux professeurs qu'on a pu avoir, etc., qu'on a construit une vision de la société qui nécessite un enseignement supérieur qui est public, gratuit, de qualité, accessible à tous. Et donc, en tout cas, moi, je considère que c'est une chance pour nous d'avoir cette vision de l'enseignement supérieur et d'avoir pu l'avoir aussi. Et je pense que c'est la même chose. Il y a une véritable culture politique qui existe et qui se développe dans les mouvements étudiants, parce que le mouvement étudiant, c'est pas forcément quelque chose de permanent, ça a certaines frappes à divers moments. Donc par exemple là, depuis un an et demi, un mouvement étudiant assez intéressant qui s'appelle le mouvement contre la hausse du minerval des étudiants étrangers. Moi personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs mouvements étudiants de la décennie, par exemple, parce qu'en Belgique, c'est pas comme si le mouvement étudiant il était extrêmement fort, qu'il obtenait des victoires tous les ans. C'est vraiment de manière assez ça dépend quoi, c'est rare, mais limite. Il y a eu le décret Wendy. Tu n'es pas d'accord? Ça dépend. Leur financement, en gros, c'est quelque chose qui traîne et comme une lutte générale depuis pas mal, 10-15 ans. Il y a des petites victoires par moment, je ne dis pas ça. Mais, donc, il y a cette culture politique qui se développe. Par principe, on se dit, on est dans une université. L'université, ça devrait être le centre de la société où on imagine... les meilleures choses qui pourraient se faire pour la société de demain. Pour tout le monde, il faut préciser ça. C'est vraiment la troisième mission, service à la collectivité, c'est au niveau technique, scientifique, intellectuel, de service. Il y a d'énormes missions hyper, c'est vraiment une belle chose à développer et à maintenir. Et en fait, à défendre, du coup, parce que vous défendez ça. Voilà, donc c'est, à partir de là, nous, en tant qu'étudiants, on se base sur l'enseignement, mais ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment tout un esprit combatif qu'on veut développer au sein de l'université, mais au-delà même, partout dans la société. Et ça, sur la Terre. Oui, mais ça, malheureusement, tu vois, il y a que certains idéalistes qui sont encore prêts de défendre ça aujourd'hui. Hein. Chez les profs, nous, on est toujours contents de voir que des profs se bougent. Par exemple, il y a les excellents, il y a différents collectifs. Nous, on a le soutien des travailleurs de l'ISS, donc les services de nettoyage, qui ont des conditions de travail terribles. Il y a encore un mois, on soutenait leur grève à eux. Il y a diverses forces en présence sur les campus pour avoir une vie sociale collective au sein de cette université accessible pour tous. Quoi. Donc c'est de là qu'on défend ces valeurs et qu'on est prêt à venir organiser notre blocus dans un rectorat parce qu'on trouve qu'à un moment, il faut vraiment aller jusqu'au bout pour défendre nos voilà, vous bloquez en fait, vous tous là. Ah, mais c'est génial, c'est bien ça, les amis. Hein. Moi, ça me fait plaisir de voir ça, que la génération. La jeune génération. Ah oui, parce que pendant qu'il y en a, on est là occupé à parler de ce qui se passe ici. Évidemment, c'est la fin de l'année bientôt. Là. Parce que s'il n'y avait pas ces mouvements de contestation, bah, en fait, les autorités de l'ULB et les autres, ils continueraient à appliquer toute leur politique, pensant qu'il n'y a aucune résistance en face. Et eux, ils ont des visions vraiment négatives, comme moi je le pense, de qu'est-ce que devrait être l'enseignement de manière totalement managériale et bureaucratique. Et donc voilà, il faut à un moment poser des actes de résistance. Et donc pour ce jeune homme qui pense que justement c'est normal de faire RPL+, ben nous on a tout un argumentaire, on n'a pas encore dit les chiffres, il faudrait qu'on le fasse encore, mais il faut pas avoir peur d'avoir des idées, de rejoindre des mouvements inclusifs comme les nôtres, où on a envie de discuter justement. Vous êtes combien en fait ici, là maintenant, en gros? Surtout de la Belgique, on est plusieurs centaines d'étudiants solidaires de cette cause. Et là, en soi, ici, ouais, dans ce rectorat, il y a entre 50 et 60 personnes qui passent tous les jours. Oui, et alors, il y a quand même plus de 60 organisations qui viennent de... Plus de 60, oui, organisations qui nous soutiennent et donc qui sont présentes, qui ont aussi été présentes, etc., dans l'organisation. Et ça, c'est vraiment très précieux. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, les combats qu'on mène sont des combats qui sont portés de plus en plus collectivement par de plus en plus de personnes. Et c'est important de garder ça parce que si on veut, à un moment donné, faire changer les choses, il faudra que ce soit une action collective qui réunisse toute une série de personnes et d'organisations. Voilà, par rapport aux chiffres, pour en revenir, la mesure... que va rapporter la hausse du Minerval étudiant. A priori, le recteur explique que ça va représenter 500 000 euros. Ça représente 0,52% du budget total de l'ULB. Donc on peut se poser la question de la pertinence. Alors oui, 500 000 euros, c'est important, mais je suis certaine qu'il y a d'autres moyens de faire des économies et de trouver 500 000 euros plutôt que dans la poche des étudiants. Le nombre d'étudiants... donc qualifié de pays industrialisés, donc à qui il faudrait vraiment sans idée faire payer plus, parce que soi-disant c'est des pays riches, c'est 23 étudiants. Donc faire payer, je ne sais pas quoi, un Minerval de cette nature à 23 étudiants, ça amène tellement d'argent, et ça, pour 23 étudiants, c'est tellement sympa de les discriminer, ces 23-là qui n'ont rien demandé, quoi, qui voulaient juste venir à l'ULB pour avoir accès à l'enseignement et être considérés comme les autres et pas se faire payer. Mais c'est dérisoire. C'est totalement dérisoire. Bah alors c'est quoi qui se cache derrière tout ça? Parce que le garçon que j'ai enregistré juste avant, ici sur le site de l'ULB, il disait, en gros... moi, j'ai un camarade vietnamien en classe, et ça se voit trop qu'il a plein d'argent, il a un appart super luxueux, machin. Il dit, c'est normal qu'on le fasse payer s'il a plein d'argent, quoi. Voilà sa logique. Comment vous... Ben, en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Peut-être que lui, il a un ami qui est riche, mais nous, on connaît plein d'étudiants, enfin, surtout les étudiants camerounais qui sont les plus touchés par cette mesure, parce que, enfin, il y a eu un changement avec les listes, donc pays en voie de développement et tout ça, que Coralie pourra peut-être expliquer mieux que moi. Mais on connaît plein d'étudiants qui sont obligés de travailler toute l'année pour pouvoir payer un Minerval aussi cher. Et du coup, il y en a plein aussi qui arrêtent leurs études. Et enfin, c'est pas tout le monde qui vient de l'étranger qui est riche. Ça n'a aucun sens. Donc, enfin... Il y a eu beaucoup d'étudiants qui se sont désinscrits cette année, qui ont dû arrêter l'ULB. Alors, les autorités, elles défendent que cette mesure, ça va amener du coup plus d'étudiants internationaux riches qui ont les moyens de se payer ces Minervaux. Mais entre-temps, il y en a beaucoup qui sont partis. Et donc ça, c'est dommage parce que, comme je le disais, l'ULB, c'était le centre de gravité des étudiants internationaux en Belgique. Donc ça, c'est déjà perdu. Les étudiants, ils sont partis, je pense qu'ils sont dégoûtés, ils ne reviendront pas. Moi, je pourrais qu'ils leur remboursent, en fait, même leur Minerval qu'ils leur ont volé, qu'ils rendent l'argent. Ils vont en glaire, si tu m'entends, rends l'argent. Mais non, mais effectivement, pour replacer le cadre, c'est 367 étudiants qui sont concernés aujourd'hui, qui sont des étudiants internationaux ici, et il y en a 23 qui sont issus de pays industrialisés. Donc, qui sont comme c'est le Japon. Excuse-moi, mais c'est comme ça que ça s'appelle, des pays industrialisés, parce que vous parlez. Ils font la distinction. Ce qui se passe, c'est que il y a une liste qui est fournie par l'ONU, qui est la liste des pays les moins développés, et ces étudiants ont le droit d'avoir un Minerval qui est identique au nôtre. Donc, c'est-à-dire 835 euros, ça c'est acquis, quelles que soient les conditions. Puis, il y avait la liste pays en voie de développement, donc cette catégorie-là. Cette catégorie a disparu. Ces étudiants qui étaient issus de ces pays payaient avant 2875 euros et doivent maintenant payer 4125. Donc ça, c'est l'augmentation concrètement. Et puis, il y a les pays dits industrialisés qui envoient des étudiants ici et qui, eux, doivent payer 4175 euros d'office. Et donc ça, c'est... C'est aussi la première explication de la hausse. La deuxième, c'est le fait que le décret a effectivement augmenté et qui permet d'amener 12 525 euros, de monter à 12 525 euros. Je voulais revenir juste sur ce que Mona disait. Oui, effectivement, il y a peut-être des étudiants qui sont riches, des étudiants qui sont bien lotis, etc. Mais il faudrait un jour qu'on arrête de considérer que sous prétexte que certains ont les moyens de profiter de la vie dans laquelle ils vivent, qu'il faut pénaliser tous les autres. Et en fait, il faut arrêter de tenir compte de toutes ces minorités qui peuvent profiter au détriment de tous les autres. C'est une réflexion qu'on a eue hier, que d'autres personnes ont eue hier sur les allocations d'études, en disant peut-être qu'il y a des profiteurs et donc on devrait limiter l'accès aux bourses. Ben non, en fait, l'enseignement, il doit être accessible à tous et il faut arrêter de discriminer les gens. Bah oui, bah, en fait, que... On est là comme on sera là demain et pour toutes les générations à venir, pour défendre un enseignement. Tu vas vieillir ici, c'est ça? Non, mais moi, j'en ai bientôt fini. Je ne serai plus là, je ne casserai plus les pieds au recteur de l'ULB. Mais en fait, je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront prêts à se mobiliser pour des causes justes. Parce que celle-là, on trouve que c'est une injustice. On a dit les chiffres, c'est complètement dérisoire et scandaleux dans la stupidité de la confection d'une telle mesure discriminante. Voilà, il y aura toujours des personnes comme nous prêtes à se mobiliser. Toujours, on ne sait pas. C'est, la grande culture politique du mouvement étudiant. Elle a toujours existé, elle a toujours eu lieu. Donc voilà, ils pensent qu'ils pourront nous avoir à l'usure ou cette génération-là était vraiment dérangeante, celle qui viendra après. On va tout de suite rentrer tous les étudiants dans le rang et leur faire gober et avaler. Notre vision à nous de l'université d'excellence et tout ça, nous on va se battre et on continuera à se battre. Vous êtes prêts? On invite tout le monde à nous rejoindre, bien entendu, parce que c'est des belles expériences, on apprend des choses, on discute, on pense. C'est dingue parce que tu vas avec le micro sur le site, il y a peu de gens qui savent. C'est dommage, moi je trouve ça dommage que étudiants, regarde là on organise le blocus, ils ont envie de venir étudier ici, ils le peuvent, ils n'auront que l'occasion une fois dans leur vie de connaître ce genre d'expérience s'ils veulent. Ils viennent, on les accueille quand même. Faire un safari engagé ou quoi? Non mais moi je trouve, il faut que les étudiants... En fait, il faut sortir de l'idée que l'université, c'est le petit cocon, on y va juste pour suivre des cours comme si on allait consommer des produits dans un supermarché. Non, il y a énormément de réflexions critiques à avoir sur comment on vit dans cette université. C'est le lieu, c'est la place pour l'avoir. Du coup, il faut profiter des occasions qui se présentent, comme celle-ci en ce moment, de venir parler, discuter, penser l'avenir. Vous êtes prêts à aller jusqu'où? Est-ce que vous disiez au départ... comme si ça faisait peur, on veut surtout pas séquestrer ou imaginer qu'on... Le mouvement, il continuera à exister jusqu'à obtention de nos revendications, donc un même Minerval pour tous les étudiants, quelle que soit leur nationalité. Wow, bonne chance, quoi, parce que là, vous attaquez un grand machin, quoi. Enfin, en même temps, vous dites, et c'est une idée du recteur, quoi, hein, c'est pas qu'il a la pression au-dessus de lui. Précédent recteur Didier Vivier, on le salue bien de voir le mal qu'il fait aux étudiants étrangers. Oui, bah effectivement, c'est une volonté de recteur, et donc ils doivent à un moment donné assumer les choix qu'ils font, et s'ils ne sont pas capables, on est là pour leur rappeler que c'est le choix qu'ils ont fait, et qu'ils doivent l'assumer aussi. Donc oui, on continuera, et non, on ne va pas rentrer dans la violence, parce que ça ne va rien apporter, ça va juste crédibiliser le mouvement, donc ça c'est quand même important à rappeler. On est quand même des gens ici qui sommes pacifiques, et l'objectif n'est pas de maltraiter des gens, ou de faire souffrir des gens, sous prétexte que nos revendications sont bonnes, sinon on tomberait justement en contradiction avec les valeurs qu'on défend, les valeurs qu'on peut prôner. Voilà, mais oui, s'il y a quelque chose à dire, c'est surtout dire aux jeunes qu'il faut s'engager, que c'est important, qu'au quotidien, ils doivent trouver des moyens de s'engager, quel que soit leur engagement, et continuer à défendre une société qui leur convient, qui leur plaît. Et pardon, on espère que ce sera une société plus juste et qui permettra à tout le monde de s'épanouir et de pouvoir vivre dignement et comme ils le souhaitent. Quoi, t'as pas dit une pensée un peu plus... Allez, n'aie pas peur, ça donne un... Ou bien t'as rien à dire. Venez nous rejoindre, quoi. Enfin, on est là et on compte rester. Donc, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par Will et Coralie. Et je trouve ça génial, en fait, de voir que même si on n'est pas très connu sur le campus en ce moment, y a quand même des gens qui viennent, il y a quand même des nouvelles têtes tous les jours. Et nos âgés ne cessent de grandir. Enfin, on est parfois 50 à des âgés et c'est un truc de fou de voir ça en Belgique parce que... Enfin oui, on n'a pas tous l'habitude et du coup ça fait un petit souffle d'air frais quoi. Ouais, mais c'est chouette. Et vous faites des études ici à l'ULB évidemment, et des études en quoi ? Moi je suis en sociologie et anthropologie ici à l'ULB. Moi j'ai fait Sciences Po. Moi je suis en histoire et je connais très bien l'histoire de l'ULB. À chaque fois qu'il y a eu des avancées sociales à l'ULB, c'est parce que les étudiants et la communauté universitaire s'est mobilisée pour avoir des victoires. Et quoi, vous allez passer comment cette année vous allez vous bloquer aussi, vous travaillez pour réussir votre année quoi. On essaye de trouver le temps, oui. Donc on le trouvera à un moment donné, parce que c'est aussi une de nos responsabilités, c'est-à-dire que pour continuer à pouvoir s'investir dans le mouvement étudiant, il faut aussi pouvoir réussir ses études. Et du coup, si on veut continuer à s'engager, il faut qu'on puisse travailler. Donc, viendra un moment où on devra le faire. C'est pas toujours évident, mais bon, ouais. Militer et étudier en même temps, c'est pas très facile, mais... Et réussir son année, surtout son année, c'est pas évident, mais on est conscient, je pense, des priorités qu'on a et des choix qu'on fait, donc... Vous relayez, en fait, quand il y en a qui étudient, les autres militent, etc. Oui, plus ou moins. On est très très bien organisés, ouais. Donc ça se passe bien. Bon, ben, voilà, merci. Merci à toi. C'est bon ? Merci à vous. Bon ben salut tout le monde. Je dis salut, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Ça va bien ? Ouais, ça va bien, ça va bien. Tu parles français ? Non, moi je suis flamand à la base. Ah voilà, ouais. Donc tu comprends ce que je dis ? Oui, je comprends bien. Ouais, moi je parle pas flamand, je suis désolée. Pas de souci. Mais voilà, moi je vais. Ça fait plusieurs fois que je suis à la gare du Luxembourg. Ouais. Et alors je vois comme ça des gens qui dansent. Tu peux un peu m'expliquer ce que vous faites là comme ça en plein milieu de la gare ? Je viens pas souvent ici, je danse un peu partout. Et en fait, c'est quand t'as moi comme danseur, t'as besoin de musique et des danseurs qui sont là et un espace. Et là, ça commence à se créer une ambiance. Dans la gare, il y a un espace pour rencontrer d'autres danseurs et un espace pour danser, quoi. Voilà, c'est public. Oui, c'est ça. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Aussi, le fait que c'est public, je crois, moi j'aime bien aussi danser ailleurs que juste dans une salle. Mais aussi, des salles, c'est aussi beau. Ok. Et tu comprends vraiment bien ce que je dis ? Non, mais vas-y, faites une tour. Oui, mais je voulais te poser... Ça fait longtemps que tu connais cet endroit ici, à la gare du Luxembourg ? Non. Comme j'avais dit, c'est la troisième fois que je suis venu, moi. Ah ouais, troisième fois, j'avais pas compris. Ouais, c'est ça. Tu l'as déjà dit ? Oui. J'ai même pas entendu, quoi. Je viens pas souvent ici, c'est ça que je disais. Et quoi, comment ça s'est passé la première fois que t'as vu ? Tu t'es dit, j'ai aussi envie de danser. Comment ça s'est fait ? C'est avec des amis, tu connais, tu rencontres dans des autres places, et c'est une place pour se rejoindre, pour danser. T'es danseur alors, toi ? Moi, je suis danseur, mais je suis aussi cinéaste, et j'essaie de mélanger les trucs ensemble. Et la danse, c'est plus ma liberté, mon corps, quoi. C'est notre langue, notre... voix qu'on peut mettre corporelle, et là j'ai fait des installations avec c'est une C'est plus un devoir pour l'accord ou pour l'esprit de ce que tu veux raconter d'eux, et c'est une autre manière de parler des trucs, quoi, pour... ouais, c'est ça. Bien, quoi. Tu te débrouilles quand même, c'est bien, mais on comprend pas tout, quoi. Mais je comprends que tu dises le langage du corps, c'est... C'est une autre... Ouais, c'est une autre manière de parler, quoi. Ouais, c'est ça. Ça donne un extra de te faire. Merci à toi. Hein. De rien, de rien. C'est comment ton prénom ? Oscar. Oscar, merci Oscar. Enchanté. Donc c'est marrant parce que c'est du son, donc l'image, on voit pas ce qui se passe. Ouais. Il y a trois gars qui dansent. Maintenant, il y en a quatre. Une fille à l'arrière. Et quoi, quelqu'un peut expliquer qu'est-ce que... Donc c'est pour la radio, hein, oui, oui. On voit pas. Tu peux expliquer ce qui se passe ? Ben, y a des danseurs qui sont en train de... Du coup, de danser. Alors, il y a deux secondes, c'était ce qu'on appelait un cypher, c'est-à-dire un cercle avec quelqu'un qui danse au milieu. Et là, je vois que le cypher a un petit peu éclaté et qu'il y a tout le monde qui fait... À cause de moi, ça, je crois. Ouais, mais c'est pas grave, on te pardonne, parce t'en fais pas. Parce qu'on parle avec toi, parce qu'on parle ensemble. Non, mais voilà, c'est ce qui se passe la plupart du temps ici. C'est en général, les danseurs se rejoignent parce qu'on sait qu'il y a des danseurs. Et on vient un petit peu échanger ce qu'on sait faire ici, quoi. C'est-à-dire, dans le cas échéant, faire par exemple un petit cypher, c'est-à-dire un cercle avec quelqu'un qui danse. Et dès qu'il a fini, quelqu'un d'autre qui rentre. C'est un peu notre manière d'échanger, quoi. Et voilà. Et quoi, ça fait combien de temps que tu connais ici cet endroit à la gare du Luxembourg ? Ça fait quelques années que je connais. Maintenant, ça fait pas longtemps que je viens ici. Comment ça se fait que tu viens ici alors ? Parce que justement, un pote, Oscar, à qui tu as parlé juste avant, c'est quelqu'un de mon groupe de danse, Fractal Flow, et il m'a téléphoné, il m'a dit voilà, on va à la gare du Luxembourg s'entraîner. Et en général, c'est un des endroits où on vient quand on n'a pas de salle ou quand on a envie de se retrouver avec d'autres danseurs et qu'on n'a pas forcément de contacter de personnes ou d'autres, quoi. On vient un jour de répète et on vient s'entraîner ici, quoi. Voilà. Et quoi, donc tu rencontres des gens que tu connais pas forcément non plus, quoi. Ou bien vous connaissez tous comme ça à la base. Maintenant le cercle de la danse, c'est un petit cercle, donc c'est-à-dire qu'on connaît quand même déjà beaucoup de monde. Le cercle de la danse bruxelloise ? Ouais, c'est ça. Alternative ou même pas ? Hip-hop surtout ici. Hip-hop. Ouais, et maintenant moi je viens pas de Bruxelles par exemple. Je suis des environs de Wavre et tout ça, mais voilà, je viens jusqu'ici pour pouvoir échanger avec mes potes et voilà, quoi, passer un bon moment, une bonne après-midi avec de la musique et juste en dansant, quoi. Et quoi, là il est 19h10, quoi, ouais. T'es là depuis quelle heure ? Moi je suis là depuis 16h, 16h30, quelque chose du genre. Ouais, 16h, ouais, je pense. Bah, du coup, ouais, ça fait quelques bonnes heures, mais ça nous arrive de nous entraîner toute la journée, donc c'est un entraînement comme un autre, et c'est juste une occasion de danser ensemble, quoi. Motivé, quoi, au fond. Ouais, c'est ça. Et quoi, et les gens comme ça, de l'extérieur, comme moi, qui vient vous rencontrer, vous en avez souvent, ou bien les gens font même pas attention ou... Enfin, j'imagine qu'il y a plein de sortes de gens. C'est ça, il y a toutes sortes de personnes. Il y a les personnes qui s'approchent un petit peu et qui n'osent pas trop venir parler, qui regardent un petit peu de loin. Il y a ceux qui nous dévisagent un petit peu bizarrement parce qu'ils nous prennent pour des fous. Ça arrive aussi, hein. Il faut de tout pour faire un monde. Et il y a d'autres personnes qui viennent des fois se poser sur les bancs ou venir autour de nous pour regarder un petit peu ce qu'on fait parce qu'ils trouvent ça, sympa ou intéressant, quoi. Puis c'est une chouette manière d'attendre son train, je trouve aussi. Oui, c'est vrai. Donc voilà, on a un petit peu tous les profils de personnes, mais c'est ça, en général, les gens à qui ça ne plaît pas ne viennent pas dire quoi que ce soit, en général, ils passent leur chemin, et ceux qui aiment bien s'approchent et viennent regarder, ils viennent partager avec nous, quoi. Il n'y a personne qui vous interdit de ne pas venir danser dans la gare, quoi. C'est libre. Bon, c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes mal lunées qui appellent, oui, c'est ça, les gens de la gare ou la police, mais en général, on discute avec eux quand ils arrivent, ils voient bien que la musique n'est pas forte, qu'on ne dérange pas forcément les gens, du coup... Je pense que, pour eux, c'est suffisant pour pas nous foutre dehors, quoi. En tout cas, c'est une géniale idée. Qui a eu l'idée, la toute première fois, d'oser danser dans un endroit comme ça, la gare du Luxembourg, dans un endroit public? C'est vrai qu'il faut oser le faire, quoi. Ouais, mais je pense que, nous, on est plutôt des personnes qui faisons de la danse freestyle, c'est-à-dire des battles de danse et tout ça. Et ça fait aussi partie du concept, c'est danser devant les autres personnes. Oui, et dans la rue, quoi. Oui, c'est ça. C'est... En plus, le hip-hop, c'est une danse qui vient de la rue, donc c'est, entre guillemets, un retour aux origines, pour prendre un petit peu la façon cliché de le dire, mais c'est un petit peu ça, ouais. Et bah, je pense que l'idée n'est pas venue forcément d'une personne en particulier, c'est peut-être un groupe de danse une fois qui est passé. Et qui il s'est faut dit, quand même avoir il faut quand même des initiateurs de l'idée, quoi, tu vois, pour qu'après tout le monde. Ouais. Mais ici, je vais avouer que moi, depuis le temps que je danse, il y a des gens qui s'entraînent ici, donc je ne sais vraiment pas qui est à l'initiative de cette idée, mais en tout cas, effectivement, c'est une très bonne idée. Les lieux publics avec un sol pareil, c'est toujours super sympa pour s'entraîner, quoi. Un sol comment ? On ne voit pas en radio. Un petit peu lisse en fait, des dalles du coup, hein, c'est l'idéal, une sorte de, ouais c'est ça, de gros carrelage quoi. Ouais. Parce qu'il y avait un groupe de filles l'autre jour, rien que de filles qui dansaient aussi, mais pas au même endroit que vous, mais plutôt par là, et même j'ai déjà vu aussi par là, tu savais oui. Je veux dire, quand on vient, en général, on change d'endroit, quoi. Il y a des gens, des fois, qui s'entraînent ici, il y en a qui s'entraînent un petit peu plus loin, il y en a qui vont... quand il fait beau, il y en a qui s'entraînent aussi dehors, je suppose. Enfin, ça dépend un petit peu du moment, quoi. Je suppose que quand on est beaucoup, on se met à un endroit où il y a plus de place. Quand on a un peu moins de monde, on se met à des endroits où il y a moins de place. Ça dépend un petit peu de... Ça dépend un petit peu de, ouais, quand on arrive, de l'humeur, de... Voilà. En tout cas, voilà, moi, je trouve que c'est une démarche géniale. C'est une idée géniale. Voilà. Qu'est-ce que t'as à dire, là? Bah, en dernier. Mis à part la démarche, la danse c'est génial, faut danser. Voilà. Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est génial, c'est un moyen d'expression, c'est un exutoire, c'est une manière de s'amuser, de se défouler. Enfin, je veux dire ça. Il y a tellement de raisons que c'est même plus nécessaire de les citer, je pense. Excellent, excellent. Et quoi, ça a commencé à quand pour toi l'idée de danser? Oui, moi ça a commencé tard. J'avais 19 ans, je pense. Alors que la plupart des danseurs... Et tu as quel âge là maintenant? Là j'en ai 26. Donc ouais, ça a commencé tard, mais... Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Pourquoi? Bah moi c'était pour draguer une fille au départ. Ouais, voilà, donc j'ai essayé de draguer une fille. C'est une bonne raison, hein? C'est ça, je l'ai suivi dans un cours de danse et pour finir elle a fini par partir à cause de ses études et moi je suis resté parce que j'ai commencé à adorer ça et l'année d'après j'ai commencé le hip-hop et... Je me suis rendu compte que c'était plus qu'un sport, quoi, que c'était une passion. Et à ce moment-là, voilà, j'ai commencé vraiment à danser et à partager avec des gens, à prendre des cours. Et c'est venu un petit peu de là, ouais. Yes. Bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses dans ce domaine-là, quoi. Et merci à toi. Bah merci à toi aussi, en tout cas, de t'intéresser à ce genre de démarche et de concept, c'est cool. Oui, c'est là, quoi, tu vois, c'est même pas que vous vous cachez, c'est en plein milieu de tout le monde. Ça fait plusieurs fois que je passe, je me dis que ce serait dommage. J'avais envie un petit peu de savoir qu'est-ce que vous racontiez, voilà. Et ben voilà, maintenant tu sais. Merci. La prochaine fois, quand on te voit, tu danses avec nous, hein. Ah oui, évidemment. J'aurais encore envie d'entendre lui et lui. Tu crois qu'ils seront d'accord? Bah, à mon avis, oui, hein. On est ouvert. Je pense. Ah ouais, ouais. C'est vrai que mon train est dans 10 minutes. Bonjour vous. Bonjour, bonjour. Voilà, j'avais aussi envie de te donner la parole. Tiens, qu'est-ce qui se passe ici en plein milieu de la gare de Luxembourg? Mais vous êtes fous! Ouais, j'avoue qu'on est fous. On est peut-être fous de danse, fous de l'art, fous de l'art urbain. Mais voilà, en fait, ça fait depuis quelques années qu'ici, à la gare de Luxembourg, on se réunit tous pour s'échanger, partager, s'amuser via la danse, en fait. Bah c'est beau. Moi, je trouve ça, c'est une géniale idée, d'abord. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une excellente idée. Bon, comme on dit, c'est mieux ça que de traîner en rue ou de faire des bêtises. On préfère venir danser et s'amuser, s'éclater, se vider la tête, s'exprimer. Voilà, quoi. T'es là depuis combien? T'es là depuis quelle heure, toi, maintenant? Moi, je suis venu ici à 18h, 18h quelque chose, je suis là. Mais ça fait maintenant 6 ans que je danse ici. Comment tu as découvert la danse alors? Ben, je peux vous dire un peu comme tout le monde, en regardant les gens danser à la télé, ou moi, comme pour moi, mon inspiration c'est Michael Jackson, mais on va dire que je suis très curieux et j'ai été chercher en entendant qu'il y avait des gens qui dansaient dans les gares, donc pas dans des salles, donc en rue. Ah, t'avais entendu? Ah oui, en rue, oui, ouais. Oui, en rue. C'est vraiment ça, donc j'avais entendu des gens qui dansaient en rue, qui tournaient sur la tête. Qui faisait des saltos et tout, donc j'étais curieux, j'ai été testé. Pas que je me suis imposé, mais voilà, j'ai demandé, on m'a partagé, parce que c'est ça aussi le principe du hip-hop, c'est du partage avant tout. Et depuis, je suis baigné dedans, je suis fou de ça, et je continuerai plus tard encore. Tant mieux. J'espère plein de bonnes choses pour toi dans ce milieu-là. Mais dis-moi, comment est-ce qu'il y a moyen de vous voir ou de voir ce que tu fais? Est-ce que il y a moyen de ou pas? Ou alors on vient à la gare du Luxembourg attendre son train et on fait connaissance avec vous, avec toi? Ben c'est un peu ça. Voilà. En fait, tous les mardis et jeudis, on est ici. Il y a des entraînements un peu tous les jours, il y a des cyphers un peu tous les jours. Il y a des quoi tu dis? Des cyphers. C'est? Ah ouais, donc un des cyphers c'est... je risque peut-être de me tromper, mais bon, on va dire que c'est des cercles où chacun passe quand il veut, chacun vient partager. C'est aussi un moment pour chacun de montrer de quoi il est capable, de s'évaluer par rapport à soi-même, par rapport aux autres, s'exprimer. De se montrer, quoi, quelque part. Pas forcément se montrer. Il y en a qui font pour se montrer. Non, mais pas dans le mauvais sens du terme. Se montrer dans le sens, bah, tiens, regardez où j'en suis, regardez... Voilà, là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec vous. Exactement. C'est voir par rapport si on a évolué ou à quel niveau on est, en fait, c'est ça. Donc, voilà. Si maintenant, je calcule... Allez, si je devrais... donner une définition au cypher, c'est un moment où on peut se lâcher, on peut se montrer. T'aurais envie de rajouter quelque chose spontanément sur tout ça? Bah, le hip-hop, c'est la vie, c'est le partage, c'est l'amour. Et si maintenant vous voulez venir, n'oubliez pas, on est là mardi, jeudi, et venez vous amuser avec nous, quoi. Excellent, merci. Ton nom? Moi, c'est Reda, et enchanté. Et j'espère que je vous ai donné cette petite envie de venir. Merci, Reda. Avec grand plaisir. Je regarde mon train et dans combien de temps ça va? J'ai encore 10 minutes. Hello, il me reste 10 minutes, après je me barre, j'ai mon train. Mais c'était chouette de donner la parole à une fille qui fait du hip-hop ou bien... Plus dans le dancehall, elle est dans le dancehall. Dans le dance, c'est quoi la différence? En fait, c'est plus une danse, comment dire. C'est pas la même culture. Donc dancehall, ce sera plus dans la Jamaïque. Hip-hop, ça a vraiment été... au stage, ouais. Donc dans le mouvement du MC, du DJ et tout, c'est vraiment né de là, et dancehall c'est vraiment né dans la Jamaïque, au niveau, on va dire, comment dire, des racines un peu dans le move sensuel à la fois, et hip-hop c'est avec le breakdance, les danses par terre, les danses au sol, les danses debout, et c'est là la différence. Tu es un peu professeur, tu connais ça? Non, je suis... T'intéresses? Ouais, je danse depuis 3 ans, et je dirais pas que je suis pro parce que... Je ne te donne pas dans une école ou quoi, mais c'est juste parce que j'aime, voilà. Et toi, la fille, ne pars pas. Qu'est-ce que... On te voit pas, hein. Sois libre, on te voit pas. Non, mais qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, en tant que fille qui danse comme ça à la gare du Luxembourg? Tu danses depuis longtemps? Oui. Combien de temps? Depuis que j'ai 10 ans. Et t'as quel âge? Maintenant, j'ai 16. Voilà quoi, c'est différent de ce que les autres filles font quoi. Moi j'aime ça parce que c'est rare ici à BX. À Bruxelles, BX, ouais. Ok, c'est rare de venir danser comme ça dans un espace public, c'est ça que tu veux dire? Parce que ouais, j'habite au centre et tout, quand tu fais ce genre de choses, c'est pour les filles c'est pas normal quoi. Enfin, les gens vont beaucoup te critiquer alors... Pourquoi? Je sais pas, les styles de danse que moi je fais c'est plus sensuel donc... Les gens, ils savent pas comprendre. Si tu n'es pas ouvert d'esprit, c'est difficile à comprendre. Mais quoi, difficile à comprendre qu'une fille fasse des danses un peu sensuelles dans un espace public, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est provoquant pour les autres. Et toi, tu vois ça comment? Ça, c'est les autres, et toi? Moi, pour moi, c'est normal, pour moi, dans ma tête. C'est eux qui ne comprennent pas. Donc, voilà. Et la danse, tu aimes ça? Ça ouais, fait partie de ta vie? Tu danses comme... Dès que je m'élève, je danse. Non, arrête, tu déjeunes d'abord, tu fais ta prière d'abord. Mais je me lève avec la musique, dès que j'entends la musique, je suis obligée de danser, c'est comme ça, peu importe la musique, je danse. En tout cas, moi je trouve que l'idée comme ça de danser dans un espace public à plusieurs, je trouve cette idée géniale, voilà. Ok, moi aussi j'adore ça. Quelque chose à rajouter spontanément sur ça? Vous pouvez aller chez eux parce que moi j'ai rien à dire. Mais arrête de dire ça, les filles ont des choses à dire, arrête! Je sais pas, j'encouragerais les autres filles à faire pareil parce que ça t'évite à faire de conneries, à traîner et tout et ça, voilà, ça m'aide. Il y a beaucoup de filles dans des groupes comme ça ou pas forcément, pas beaucoup? Moi je m'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est plus des gars qui sont comme ça. Pas beaucoup, parce que les filles elles trouvent, je sais pas ce qu'elles pensent. Elles sont pas là les filles? Non. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Non. Elles font genre, ouais, je suis timide, je peux pas faire ça devant tout le monde, ça se fait pas. Et moi, j'ose, quoi. Bravo. Merci. Classe. Et t'as seulement 16 ans. On dirait pas, hein. On dirait que t'es plus âgée, on te l'a déjà dit, sûrement. Ouais, ça me fait plaisir, moi, comme ça, je... Ah ouais. Oui. Ah, c'est drôle. Ton prénom, si tu oses, ou bien tu... Priscilla. Non. Priscilla. Priscilla, merci beaucoup à toi. Ok, de rien. Merci à vous aussi. Tu demandes... C'est pour réécouter l'émission, c'est ce garçon-là, je lui ai donné mes références. Okay. Et je vous tiens au courant, et il vous tiendra au courant, d'accord? Ah. Et toi, l'ami, parce que toi, j'ai pas encore donné... Enfin, t'as un petit peu entendu le professeur de danse qui n'est pas professeur de danse. Professeur de danse. Moi, je fais du crump. C'est-à-dire? Donc, le crump, c'est différent. C'est pas du hip-hop, c'est... Comment l'expliquer? Le crump, c'est une danse assez saccadée. C'est saccadé, donc c'est vraiment dans l'énergie. C'est très au niveau, c'est très spirituel un peu. Ah ouais. Donc on a une base simple, mais après c'est très dans le mouvement, très dans l'énergie, dans le spirituel un peu. Et voilà. Ça demande beaucoup de temps. C'est compliqué. En fait, d'extérieur c'est compliqué à comprendre un peu. Mais la danse, ça se regarde. Voilà. Mais quand on rentre dans le mouvement, qu'on baigne un peu. On essaie un peu de flirter avec la danse, ben ça va. Et comment t'as découvert la danse alors? À la télé. Ah oui, à la télé. J'ai regardé une émission de danse, je pense que c'était Dance Crew SA. Et j'ai vu ça, j'ai kiffé, je me suis dit bon, on va danser. Puis après, j'ai pas trop pris de cours, c'est plutôt à la gare ou quoi, j'ai vu danseur, je peux danser avec vous, cool, ok. Et puis c'est comme ça que c'est vraiment street, c'est vraiment de la bonne humeur et pas trop de règles en fait. De la bonne humeur et puis après là, voilà. Ouais, chouette. Ouais. Merci, ouais, c'est vraiment chouette. Que dire d'autre sur tout ça? Venez danser partout, danser, la danse c'est cool, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embrouille, c'est vraiment c'est un univers cool quoi, il n'y a pas d'embrouille, il y a des règles, mais c'est l'amour et du partage, que l'amour et du partage. On partage avec des gens qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on connaît, c'est du partage, on s'apprend, une personne qui danse du hip-hop va m'apprendre un peu des moves d'hip-hop, moi je vais lui apprendre des moves de crump, on va mélanger, on va faire un beau truc et c'est ça qui est cool. Super, c'est comment ton prénom? Je m'appelle Israël. Israël, j'ai donné les références pour réécouter l'émission au gars au t-shirt rouge, ouais, okay, comme d'accord. Ça, ça va? Ouais, d'accord, merci. Merci, hein. Like the law of me say.